Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. On va parler des Saguenayens de Chicoutimi. Quel match et qu'est-ce qu'ils nous ont fait vivre? Honnêtement, je dois me confesser, j'étais un de ceux qui avaient passé à autre chose, qui était prêt à dire que c'était une belle saison malgré tout. Quoi qu'il en soit, on en parlait avec Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut Denis. Ouais, Sébastien, il y avait peu de monde. Honnêtement, là, on va être honnête, là, 3-1 après deux périodes. Non, c'était 2-1 après deux périodes, 3-1 en début de troisième. Il y avait peu de monde, honnêtement. Il faut être honnête qui pensait que les Sags allaient remonter. Là. Ben, moi, à 3-1, j'y croyais encore parce que les Sags l'ont fait souvent dans la saison, l'ont fait en série revenir. Les Saguenay de Chicoutimi ont une forme physique incroyable, ils sont très bien entraînés. Pendant la saison régulière, je sais qu'il y a des joueurs qui trouvent que c'est trop. Mais là, comment ça se rend compte? Tous les sacrifices qu'ils ont fait pendant la saison, les heures supplémentaires au gymnase, le cardio, l'alimentation, les sacrifices qu'ils font, ben là, ça paye présentement. Puis on l'a vu en fin de match, c'est eux qui avaient le plus d'énergie, qui étaient capables de contrer les attaques. À 3-1, moi, j'y croyais encore. C'est venu 3-2, il restait 10 minutes à la troisième période. Par contre, quand Kelly Climat accidentellement atteint au visage Jérémy Lauzon des Huskies, là, je peux dire que je commençais à penser à comment j'allais conclure peut-être mon dernier reportage comme descripteur des Saguenay de Chicoutimi. À ce moment-là, je commençais à penser à tout ça. Puis, quelques secondes plus tard, Olivier Galipeau est sauté sur un retour de lancer, une rondelle libre à côté du filet des Huskies. Puis, écoute, je t'en parle, j'ai presque le goût de m'en mettre un peu. C'était grandiose comme scénario, comme façon dont ils ont fait ça. C'était de toute beauté. Ça va rester dans les annales. Même Don Cherry, hier, en a parlé pendant Coach's Corner sur CBC à travers le Canada. Plusieurs millions de spectateurs ont vu le but de Oliver Galipeau battre les Huskies de Rouyn-Noranda et les envoyer en vacances en prolongation de façon hier, au 98.5 avec Ron Fournier hier. Et puis il disait... je vais y parler avec Olivier Galipeau tout à l'heure, puis ça va être une de mes prochaines questions. Je pense que c'était pas son premier match, son septième match. Hein. C'était pas la première fois qu'il était dans le septième match, Galipeau. Hein? Non, je pense qu'en carrière, en série, c'était la quatrième fois. Et il les a toutes gagnées avec les Foreurs de Val-d'Or. C'est arrivé souvent qu'ils se rendaient en prolongation. Même, je pense qu'il avait battu le Drakkar de Bécomo il y a 2-3 ans en deuxième prolongation avec les Foreurs de Val-d'Or. C'était Anthony Manta qui avait marqué, je pense, un but avec un lancer bizarre en deuxième prolongation. Là, on n'a pas eu à stresser pendant trop longtemps. Écoute, quand on a amorcé la période de prolongation, il restait 1 minute 11, je pense, à l'infraction 4 minutes de Kelly Climat. Si on passait à travers de ça, c'était certain qu'on les battait. Mentalement, physiquement, je pense que l'avantage, le momentum au hockey, et particulièrement en série, est incroyablement important. On l'a vu dans la série entre l'Armada et le Titan. Au départ, c'était le Titan qui avait le momentum, mais dès que le Titan a reculé un peu, la grosse foule du côté de Bathurst, la salle comble, la première depuis, je pense, une dizaine d'années là-bas, ça les a stressés. L'Armada est sorti très fort. On a réussi à revenir dans la série, à remporter les trois derniers matchs pour ramener ça de 1-3 à 4-3. C'est quand même un exploit du côté de l'Armada aussi. Mais on va revenir à la série Sags-Husky. Écoute, c'est un scénario incroyable. Là. À 3-1, tu étais un des ceux qui avait abandonné. Il y en a plusieurs à la maison qui m'ont dit « Je me suis réveillé avec une victoire des Sags. » Et quel réveil! Écoute, j'ai dormi 2 heures la nuit au retour. Hier matin, tout ça, c'était toute une expérience là, de vie, de voir la résilience des joueurs, revenir dans le match, ne jamais abandonner. C'est une belle leçon de vie qu'ils ont donnée, je pense, les Saguenay de Chicoutimi dans la victoire mardi soir dernier. Quand tu fais le bilan de cette série-là, là, tu viens de faire le bilan de la 7e partie, mais est-ce que si puis moi j'avais dit c'est quasiment une bonne chose d'avoir perdu 9-2 lors du 6e match. Les gars sont venus sur le ça va ramener les gars sur terre, ça va peut-être même créer une expérience de confiance. Es-tu d'accord avec moi? Tu vois, écoute, le pointage est terrifiant 9-2, mais c'est pas une défaite de 9-2, je dirais. Tu sais, en troisième période, à un moment donné, là, Yannick Jean, Nicolas Roy jouait plus, Joey Ratel jouait plus, Zoukanov jouait plus, Galipeau jouait plus, Allard jouait plus, Carignan jouait plus. On a donné du temps de glace à des joueurs qui en avaient un peu moins depuis le début de la série. Et du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, on continuait d'envoyer les premières unités de 5 à 5 contre 3. 5 attaquants sur la glace, les meilleurs joueurs ont joué très beaucoup pendant la longue minute pendant le match numéro 6 de la série. Puis, tu sais, je te le disais, là, la gestion de banc, la gestion des énergies pendant les séries éliminatoires, c'est ultra important. De ce côté-là, on ne peut que donner l'avantage à Yannick Jean et son groupe d'entraîneurs. Ils ont bien fait ça. Ils ont assis des joueurs en troisième période quand la situation est un peu plus... En fait, la montagne était rendue trop grosse à surmonter pour les Sags. Puis on avait encore une chance le lendemain de jouer un match numéro 7. Puis, tu sais, Marc Denis l'a dit dans les médias, Yannick Jean en a parlé aux joueurs avant à la rencontre. Quand t'es petit cul puis tu joues au hockey dans la rue, tu veux pas jouer un match numéro 6, tu veux jouer des matchs numéro 7. Puis là, les joueurs ont eu ce privilège-là, ils ont relevé le défi avec brio. Puis à partir de ce moment-là, ben, tu crois en tes chances. Puis bon, ben, maintenant, c'est les Sea Dogs de Saint-John. Puis très hâte au début de cette série-là. C'était ma prochaine question. Mais avant, je vais finir avec les Huskies parce que je vais parler avec Gilles Bouchard. Évidemment, Gilles vient d'ici, fait que j'y parle autant que toi, tu peux parler d'Yannick, là. Est-ce que le fait d'avoir été avec deux gardiens de but, est-ce qu'on aurait dû y aller avec un gardien de but? Je connais pas une équipe en fait qui a gagné avec deux gardiens de but. Ben, c'est peu. En tout cas, dans le passé, ça n'a pas fonctionné ou c'est difficile de démontrer. Ouais. Où il n'y a pas d'exemple qui me vienne à l'esprit d'un ménage à deux en séries éliminatoires qui a fonctionné dans le monde du hockey. Par contre, des retours de blessures, des fois, il y a une partie qui est faite par un, il y a une partie qui est faite par l'autre. Entre autres, Corey Crawford, puis le backup du côté des Blackhawks de Chicago, on sait un bel exemple. Dans les conquêtes, dans les dernières années, Corey Crawford n'a pas été devant le filet pour tous les matchs. Les Blackhawks, souvent, partaient pendant 4-5 matchs consécutifs. On donnait au gardien numéro 2 quelques départs, puis on revenait avec Crawford pour les derniers matchs et tout ça. Moi, je crois pas en cette formule-là. Je suis convaincu que les 95% des entraîneurs aussi, mais dans la situation de Gilles Bouchard avec Olivier Tremblay et l'autre gardien de but, tabarnouche, c'est quoi? C'est Harvey, j'avais un petit plan de mémoire ce matin. Je pense que c'était peut-être la meilleure solution pour les Huskies. Avait peut-être pas une totale confiance en Harvey, il avait pas une totale confiance en Tremblay non plus. Donc, pour lui, c'était la meilleure solution, mais moi, je suis de ceux qui croient que tu y vas avec un, puis tu vis ou tu meurs avec lui, puis quand tu as une chance, ben tu peux mettre ton gardien de but numéro 2. Si les Sags ont une déficience majeure avec Julio Bilia, une blessure ou quoi que ce soit, Xavier Potvin est un remplaçant de luxe présentement dans l'entourage des Sags. Je pense que les deux gardiens des Saguenay étaient supérieurs aux deux gardiens des Huskies, puis ça a probablement fait une grosse différence, particulièrement en fin de match. Là, Julio Bilia a fait des très, très gros arrêts. Oui, le troisième but des Huskies, Manuel Widerer, sûrement que Julio voudrait revoir le tir, mais quand ça a compté dans les 10 dernières minutes, puis en désavantage numérique, il était partout. Il arrêtait n'importe quoi, la rondelle lui collait autour de lui. Puis dans ces situations-là, Julio est une arme de luxe là, pour la brigade puis l'attaque de Yannick Jean. Là, c'est vraiment impressionnant ce que Julio est capable de faire quand il close les matchs là, en fin de rencontre. Là, c'en est un solide. OK. Parle-moi des Sea Dogs de St. John. C'est une grosse, grosse machine. Je suis en train de regarder l'alignement. C'est sûr qu'on... On dit tout le temps que c'est une grosse machine, puis ainsi de suite. Évidemment, les gens connaissent, c'est Julien Gauthier qui a été échangé au Foreur de Val-d'Or. T'as Joe Valeno également, qui sera un très, très gros prospect l'an prochain. C'est une équipe bien rodée. Hein. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser, si Routsoff aurait été là? Sébastien? Avec Routsoff dans l'alignement? Ouais. Ça, on le saura jamais, malheureusement, non. Parce qu'il sera officiellement pas de retour contre les Sea Dogs. Ça, je peux vous le confirmer ce matin. Peut-être, un jeu de puissance terrifiant, ça. On pourrait se rendre à Windsor, j'imagine, pour transformer l'expression à Paris. Puis Windsor, ben, c'est le summum, c'est la Coupe Memorial pour les Saguenay de Chicoutimi cette année, si on réussit à se rendre jusque-là. C'est sûr que ce serait un point très important de l'attaque des Sags, mais de la façon dont on a battu les Huskies, revenir dans le match, pas le choix de croire aux chances des Sags, puis les joueurs aussi y croient. Puis malgré toute la puissance des Sea Dogs de St. John, ça se joue sur la patinoire d'Annie. Puis oui, on a beaucoup de respect pour l'adversaire. Sur papier, c'est de loin la meilleure équipe de la LHJMQ, puis peut-être même d'une grande partie du Canada à part de ça. Mais des surprises, ça arrive. Il y en a eu dans l'Ontario, il y en a eu dans l'Ouest. Des matchs, des séries très difficiles pour plusieurs équipes de pointe. Les Sags, c'est l'équipe la plus basse au classement présentement qui reste dans les séries éliminatoires de la Ligue canadienne de hockey. Mais de la façon dont ils ont joué, pas le choix de croire aux chances des Sags. Puis oui, oui, les Sea Dogs, sur papier, ils ont trois excellents trios. Des joueurs, tu as parlé de Veleno, tu as parlé de Julien Gauthier. On oublie Mathieu Joseph, qui est un attaquant défensif hors pair. Le deuxième meilleur derrière Nicolas Roy dans la LHGMQ. Calumbo devant le filet. Thomas Chabot à la défense. Ah oui, Chabot. Par contre, je pense qu'il y a une surutilisation de certains joueurs pendant la saison régulière. Puis des joueurs qui ont joué dans les compétitions internationales chez les Sea Dogs de Saint-John. Je suis encore convaincu que les Sags, c'est l'équipe la plus en forme présentement sur la patinoire, puis qu'il reste des équipes dans la LHGMQ présentement. Ça va peut-être payer dans la série contre les Sea Dogs de Saint-John. Simon Bourque aussi, qui appartient aux Canadiens. Oui, mais je pense que Olivier Guilpeault est supérieur à Simon Bourque présentement là, dans les séries éliminatoires. De ce que j'ai vu, puis oui, je prêche pour ma paroisse, puis oui, je trippe sur Guilpeault qui a marqué les deux buts pour donner la victoire, puis régaliser, puis donner la victoire dans la série contre les Huskies. Mais je pense que Guilpeault joue du plus gros hockey que Simon Bourque présentement là, dans les séries éliminatoires. Mais c'est sûr que chez les Sags, on n'a pas de Thomas Chabot. Là. Thomas Chabot, c'est le meilleur probablement défenseur de son âge sur la planète là, présentement. Joue 40 minutes par match et de toutes les situations, défensives, offensives. C'est le leader incontesté de cette équipe-là. Ça a été le leader aussi d'équipe Canada Junior. Écoute, je ne lui souhaite que du bonheur dans sa carrière, mais je pense que les Sacks vont trouver une façon de le contrer. Yannick Jean a plus d'un tour dans son sac, puis j'ai hâte de voir comment il va établir la stratégie pour contrer Thomas Chabot dans cette série. OK. Donc, ça va commencer demain à compter de 17h50 à Énergie. Non, 18h pile, mon ami. 18h pile, OK. Parle-moi en terminant de Boisbriand. On va parler avec Anthony Marcotte demain, qui est l'ancien descripteur des matchs des Sacks aussi, pour nous raconter tout ça. Si on parle des Saguenayens également, c'est tout un exploit également que l'Armada a fait. Hein? Ah, écoute, Dubois et Barré-Boulay ont connu des débuts de série difficiles, mais pas choix de dire qu'ils ont répondu à l'appel de l'entraîneur et que maintenant l'Armada est redevenue une équipe potentiellement qui pourrait aller chercher les grands honneurs cette année. Les Islanders de Charlottetown vont en avoir plein leurs bottes avec l'attaque et surtout l'acharnement au travail. Tu sais, l'Armada ont gagné des séries dans le passé. Ils en ont perdu aussi, mais en ont gagné particulièrement avec leur façon de travailler. C'est 60 minutes d'énergie pour l'Armada. C'est un bel exemple de la façon dont ils travaillent. Ils sont très, très, très agressifs sur le porteur du disque puis ont des joueurs très, très rapides. Ça, souvent, ça complique la tâche quand tu as des défenseurs un peu moins mobiles puis des joueurs qui sont moins capables de patiner. Puis je pense que ça va être peut-être ça qui va faire défaut du côté des Islanders de Charlottetown. Le Titan avait une meilleure défensive que les Islanders, mais l'attaque des Islanders pourrait donner du trouble aussi à l'Armada. Mais ils ont un très bon gardien, même si Montembeau n'est pas à 100%, traîne une blessure au bas du corps qui l'empêchait de jouer tous les matchs dans les séries contre le Titan, est encore capable d'arrêter des rondelles. Puis c'est un gardien qui donne très peu de retours de lancer. Montembeau, et il a de très bons défenseurs devant lui. Je présume une victoire de l'Armada qui vont se rendre en finale de la LHGMQ cette année du côté de cette série-là, qui va débuter aussi vendredi. Mais eux ont une série bizarre. Là. Ils vont jouer, je pense, vendredi, samedi, dimanche ou quelque chose du genre. Pour avoir un match à la télévision, la TVA Sport, dimanche après-midi, en direct de Boisbriand. Ils vont présenter deux ou trois matchs à la télévision de ce côté-là. Je pense pas qu'il y ait des matchs des Sacks, malheureusement, qui soient présentés en raison de la distance et de la non-disponibilité. Il faut comprendre aussi que les réseaux donnent priorité aux séries de la LNH présentement. Puis le Canadien est encore en série. Puis je pense que c'est bien correct. Là, chacun a sa place. C'est la Ligue nationale avant la LHGMQ. Puis c'est... De mon côté, j'en ferai pas un scandale. Ça, ouais, effectivement. Hey, en passant, pourquoi c'est pas 2-3-2? Hein? Parce que c'est 800 km normalement, la règle. En huitième et encore, c'est pour effectivement sauver de l'argent, de que ce soit plus facile, un aller-retour de moins dans la série. Pour les équipes qui sont dans le haut du classement, quand il y a plus de 800 km de distance, si ça avait été une série quart de finale contre les Sea Dogs, ça aurait été un 2-3-2. Mais vu que c'est la demi-finale maintenant, le carré d'as pour les Sags, mais ce sera 2-2-1-1-1. Donc, les deux premiers matchs à Saint-Jean de Nouveau-Brunswick, les deux seconds du côté du Saint-Georges Vézina. Dans le fond, ça va être vendredi, samedi de cette semaine à Saint-Jean, les deux matchs à 18h. La semaine prochaine, mardi, mercredi, au Centre Georges Vézina à 19h30 ici. Mm. Et le vendredi de l'autre semaine, on se transporte du côté du Harbour Station pour un match à 18h. Le dimanche, on revient à Chicoutimi. Et le mardi, pour un match numéro 7, on retournerait du côté de Saint-John pour terminer la série. Bravo. Hey, en passant, l'avion, es-tu booké? Oui. Oui, OK. C'est ça que ça a été long à booker parce que je sais que il y en a qui ont dit j'y pense. Évidemment, sur les médias sociaux, t'as Ah annoncé non, tout. non, ça c'est un projet à part les Sags, là, Danny. Ouais. Donc, Ah, ça n'a rien à voir avec OK, je l'organisation. C'est des pensais. amateurs qui se sont organisés. Ah, OK. Ils ont demandé ma tribune auprès des partisans là, pour proposer à certains. Non, il reste encore des places, là. Vous pouvez OK. me contacter sur Facebook, mais faites ça rapidement, là. Il n'y a pas beaucoup de places. C'est un petit avion de 9 places, là, puis il y a OK. déjà des places de réservées dedans. C'est des gens d'affaires, entre autres, qui ont analysé un avion, puis ils m'ont demandé si c'était possible de leur donner un coup de main pour trouver des places. Donc, si jamais tu connais du monde, je sais que tu as transféré ça à un de tes bons Ah, amis sur les médias sociaux, puis peut-être tu seras intéressé à prendre une de ces plus places. gros partisan des Saguenay à Dolbeau-Missassigny en passant. OK. Et là, Sébastien. j'espère que les gens de Dolbeau sont dans le bandwagon des Sags présentement, là. On entend parler, puis c'est Roberval, puis un peu partout. Fait que, regarde, à Roberval, je sais que je connais quelqu'un de Roberval, qui un de mes amis également, que j'ai jamais vu autant de monde de Roberval à Chicoutimi. Puis il avait été à Guimbe le vendredi. Mais là, il n'y a plus de guéguerre. Il n'y a plus de guéguerre entre le Non, lac et le Saguenay, là. non, non, C'est non. marqué sur le chandail des Sags. Ouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est important pour les Saguenay de Ouais, Chicoutimi. effectivement. Sébastien, on s'en parle lundi. Je vais essayer encore de contacter de la formule de la table ronde encore. C'est pas facile à Saint-Jean. Il y a pas personne qui, c'est pas tout le monde qui parle en français. Fait qu'on va tenter évidemment de parler avec des gens de là-bas également. Good. Voilà le descripteur des matchs que vous pouvez attendre demain 18h 94.5 sur Énergie.